إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 16 dans l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya, et c'est avec le Sharh de Sheikh Saleh al-Fawzan. Donc aujourd'hui donc on est arrivé au point numéro 33, al-mas'alatu al-thalitha wa al-thalathun. Et le point de cette le sujet de ce point c'est quoi? C'est tanaquduhum fil iqrar wal inkar. Et il explique, il dit inkar Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajj al-bayt. فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Donc c'est leur contradiction dans qu'est-ce qu'ils acceptent et dans qu'est-ce qu'ils rejettent. Le fait qu'ils rejettent ce qu'ils ont accepté, ils rejettent ce qu'ils disent que ça fait partie de leur religion. Des choses, ils disent oui, on affirme que ces choses-là font partie de notre religion, puis par la suite ils la rejettent. Comme ils ont fait au sujet du Hajj à Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 130 dans Surat al-Baqarah, et qui est plus faible d'esprit que celui qui rejette ou qui préfère autre chose que la voix d'Ibrahim. Celui qui préfère autre chose que la voix d'Ibrahim, qui est plus faible d'esprit que lui. Il n'y a personne de plus faible d'esprit que celui qui rejette la voix d'Ibrahim alayhi salam. Et donc le cheikh il explique donc ce passage, le cheikh al-Fawzan. Il dit Al-Yahoud yadda'una annahum ala millati Ibrahim alayhi salatu wassalam, walakinnahum lamma hawwilat al-qibla ila al-ka'ba allati banaha Ibrahim, ankaru hadha ghayat al-inkar wa al-iyadu billah, li'annahum la ya'tarifuna bil-ka'ba wala bil-hajj alladhi huwa min din Ibrahim. ويكفرون بالتوجه إلى القبلة وهم يعلمون أن هذا هو الحق وأن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن إبراهيم هو الذي أسس هذا البيت وبناه بأمر الله عز وجل كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية فصارت الكعبة من بناء إبراهيم بأمر الله وهي قبلته وهم ينكرون هذا وكذلك الحج من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم ينكرونه ومع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم ولكن حملهم بغض محمد صلى الله عليه وسلم على أن أنكروا هذا كله. Donc le cheikh explique, il dit que les juifs, ils prétendent être sur la voie et sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Mais lorsque la Qibla a été changée vers la Kaaba qui a été construite par Ibrahim alayhi salam, ils ont nié la voie d'Ibrahim et ils ont complètement rejeté le fait de se tourner vers la Kaaba. Donc c'est-à-dire, eux ils priaient vers Beytul Maqdis, vers la Syrie, vers la Palestine comme on dit, Bayt al-Maqdis, al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, c'est vers cette direction-là qu'ils se dirigeaient. C'était qu'est-ce qu'ils appelaient le temple de Salomon, hein, qui était situé à cet endroit-là. Et c'est Bayt al-Maqdis, comme on l'appelle. Et ils se tournaient vers cette direction-là pour prier, et les musulmans, au tout début de l'islam, ils se tournaient toujours vers cette direction-là. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de se tourner vers la Kaaba. Et eux, les juifs, ont refusé de se tourner vers la Kaaba, et ils ont continué, ils ont voulu continuer de se tourner vers Bayt al-Maqdis. Wal-i'adhu billah. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la Kaaba. Et le Hajj d'Ibrahim non plus, ils ne le reconnaissent pas. Donc, ils rejettent le fait de se tourner vers la Qibla, alors qu'ils savent que c'est la vérité, et ils refusent de se tourner vers la Kaaba, alors qu'ils savent que c'est la Qibla d'Ibrahim, et que c'est Ibrahim qui l'a construit. Et qu'il l'a construit par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le verset 26, dans surat al-Hajj, et quand nous indiquâmes à Ibrahim pour lieu, quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison, la Kaaba, donc ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a indiqué à Ibrahim l'endroit où construire cette Kaaba, où construire cette maison pour l'adoration, c'est qui était la première mosquée construite sur terre pour l'adoration du Dieu unique. Et le verset 127 dans surat al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, donc ça veut dire que cette maison elle a été construite par Ibrahim et son fils Ismaïl, et ils le savent ça, les juifs ils le savent. Donc cette Kaaba, elle est une construction faite par Ibrahim et son fils Ismaïl, construite par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est donc la Qibla que Ibrahim suivait et qui nous a ordonné de suivre également, tandis que les juifs, eux, ils rejettent ça, de même qu'ils rejettent le Hajj, et alors que ça fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam, et ils le nient. Et malgré tout ça, malgré toutes ces négations-là, ils prétendent toujours être sur la religion d'Abraham et sur la voie d'Abraham. Et c'est le cheikh il dit, mais c'est la haine qu'ils ont pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui les a poussés à nier tout ça. فالكعبه من ميراث ابراهيم عليه الصلاه والسلام والتوجه اليها بالصلاه وقصدها للحج والعمره من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهؤلاء ينتسبون الى دين ابراهيم وينكرون اعظم شعائره فهذا من التناقض العجيب. ومثل هذا كل من ينتسب إلى الإسلام ويرفض بعض أحكامه كالذي يقول أنا مسلم ثم يطوف بالقبور ويدعوها ويتبرك بها ويتمسح بها، فإذا قيل له هذا شرك فإنه لا يتحول عنه بل يستمر عليه ويغضب من ويبغض من نهى عنه، وهذا من التناقض في الانتساب، ينتسب إلى الإسلام ويخالفه في أعظم شعائره وهو التوحيد. Donc le cheikh il dit, la Kaaba ça fait partie de l'héritage d'Abraham, et de se tourner vers cette Kaaba pour faire la salat, tout ça ça fait partie de l'héritage d'Ibrahim, de même que de faire le Hajj, de faire la Umrah, ça aussi ça fait partie de la religion d'Ibrahim. Donc ces gens-là, les juifs et les chrétiens, ils prétendent faire partie de la descendance ou bien de ceux qui ont suivi l'héritage d'Abraham, Ibrahim, et même il y a des groupes qui appellent à ça, ils appellent ça les religions ibrahimiques, ils veulent réunir les trois grandes religions soi-disant comme ils les appellent, qui sont les trois religions, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme et le christianisme, et ils prétendent que ces trois religions-là sont l'héritage d'Abraham, donc il faut qu'on se réunisse ensemble pour faire une seule religion, et ça bien entendu c'est tout à fait faux comme on le voit maintenant, c'est-à-dire que la religion d'Abraham, c'est seulement les musulmans qui l'acceptent et qui la suivent, tandis que les juifs et les chrétiens la rejettent complètement. Et donc c'est une contradiction de leur part de se prétendent d'appartenir à Abraham et de suivre sa voie, alors que dans les plus grands aspects de sa religion et les plus grands rituels de sa religion, ils refusent de le suivre et ils le rejettent. Donc ça, c'est une contradiction étonnante. Et le cheikh il dit « وَمِثْلُ هَذَا كُلُّ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَرْفُضُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ » Donc c'est la même chose pour la personne qui prétend être musulman et appartenir à l'islam, puis il rejette les règles de l'islam. Ça, on en trouve aujourd'hui plein de musulmans comme ça. Et il donne des exemples. Il dit comme la personne qui dit « je suis musulman », puis il fait le tawaf autour des tombeaux, et il adore les morts, hein, et il les invoque en dehors d'Allah, et il cherche la baraka en frottant ses mains sur la tombe, hein, en pensant que ça va lui apporter une bénédiction ou une baraka ou quelque chose de ce genre. Et quand on lui dit « ça c'est du shirk », il commence à se détourner, et il persiste à faire ce qu'il fait, et il se met en colère contre celui qui lui interdit de le faire. Donc tout ça c'est de la contradiction. Tout ça, ça rentre dans la contradiction du fait de se dire musulman et de faire le contraire de ce que l'islam ordonne. Hein? Et donc tu prétends appartenir à l'islam, puis tu contredis l'islam dans les fondements et les principes les plus importants de l'islam, comme par exemple le tawhid. Et on a aussi d'autres exemples qu'on aurait pu donner par rapport à cet exemple-là, par rapport à cette chose-là. Des gens qui se disent musulmans, puis qui rejettent par exemple le hijab, ou qui rejettent par exemple les règles de la charia qui contredisent les principes des kuffars, et ils disent qu'ils sont musulmans malgré tout, et ils se prétendent même parfois des musulmans laïcs, ou des musulmans soi-disant démocrates, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des contradictions aussi. Tu peux pas dire « je suis musulman » puis tu crois pas aux principes de l'islam et tu rejettes des principes de l'islam. C'est comme si quelqu'un disait par exemple « je suis chrétien mais je crois pas en Jésus » ou bien « je suis juif mais je crois pas en la Torah » ou bien « je crois pas en un juif qui dit « je crois pas en Moïse » qui prétendrait qu'il était juif mais il croyait pas en ça. Ou bien un démocrate qui dit « je crois en la démocratie mais je crois pas au vote et aux élections » puis je crois pas non plus en, par exemple, le Parlement ou des choses de ce genre. Hein? Ou bien un laïc qui dit, moi je pense que la religion doit être au-dessus de la loi républicaine ou des choses de ce genre. C'est des contradictions, mais malheureusement il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas peur des contradictions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de honte ou de gêne, et ils ne s'abstiennent pas non plus d'avoir des contradictions dans leur croyances ou dans leur façon de penser ou dans leur pratique religieuse également. Donc ça, c'est pas correct. Si tu es musulman, tu dois croire en l'islam, puis tu dois rejeter tout ce qui est en contradiction avec les fondements de l'islam. Donc, un autre point ensuite, le point numéro 34. Le cheikh il dit « Kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghayriha » C'est-à-dire, chaque secte ou chaque groupe, elle se fait des éloges pour elle-même, hein, et elle prétend être bonne, et elle rejette et elle rabaisse toutes les autres. Et ça, c'est le point 34, et ça fait partie des aspects de la jahiliya et de la religion des gens de la jahiliya. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit à ce sujet-là, « Inna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiya » فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن donc le cheikh il explique que chacune de ces sectes ou chacune de ces religions ou de ces groupes elle prétend être celle qui va être sauvée et Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis dans le Coran. Lorsqu'il a dit dans le verset 111 justement, dans Surat al-Baqarah, dit « ramenez vos preuves si vous êtes véridiques ». C'est-à-dire, ramenez vos preuves si ce que vous prétendez est la vérité. Vous dites que vous êtes la seule qui va être sauvée. Eh ben, c'est pas suffisant juste de le dire, il faut ramener les preuves à ce sujet-là. Donc, ramenez les preuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la vérité justement par la suite, dans le verset 112, il dit, certes, celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala en étant bienfaisant, et c'est-à-dire qu'il a unifié son adoration pour Allah seul et qu'il a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est lui qui peut prétendre être sauvé. Celui qui fait autre chose que ça ne peut pas prétendre être sauvé. Ça, on va le lire dans le charh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc le Cheikh, il dit « Min masa'il ahl jahiliya » أن كل فرقة منهم تدعي أنها هي التي على الحق وأن غيرها على الباطل وكان هذا في اليهود والنصارى ومن شابههم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى حصروا الهداية ودخول الجنة في اليهود والنصارى ومثلهم الفرق الضالة كل فرقة تدعي أنها هي التي على الحق وأن غيرها على الباطل وكل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلامة الفارقة لهذه الفرقة عن غيرها لما قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Donc le cheikh explique que parmi les aspects des gens de la jahiliya dans leur voie et dans leur religion, il y a le fait que chaque groupe prétend être celle qui est sur la vérité et elle veut toujours essayer de montrer que toutes les autres sont dans l'égarement. Et donc on voit ça chez les juifs et les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Dans le verset 111 dans surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il dit personne n'entrera au paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Donc ils ont voulu limiter la guidance et l'entrée au paradis chez les juifs et les chrétiens en voulant dire tu dois être juif ou chrétien pour entrer au paradis sinon tu ne rentres pas. Et ça c'est l'exemple également des groupes et des sectes égarés parmi les sectes qui prétendent appartenir à l'islam. Elles prétendent qu'elles sont les seules à être sur la vérité et que toutes les autres sectes, en dehors d'elles-mêmes, seront en enfer. Donc le cheikh il dit « كل فرقة تدعي أنها التي على الحق وأن غيرها على الباطل » Donc chaque secte, elle prétend qu'elle est celle qui est sauvée et qu'elle est celle qui est mentionnée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Cette umma va être divisée en 73 sectes, elles seront toutes en enfer excepté une. » Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié les signes par lesquels on pouvait reconnaître et distinguer cette secte de toutes les autres. Lorsque les sahaba ont demandé la question « Laquelle était-ce au messager d'Allah ? » C'est-à-dire laquelle de ces sectes va être celle qui va être au paradis parmi les 73. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comme c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah, dans un hadith également qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' et également dans Sahih Al-Tirmidhi, vous le trouvez, il est authentifié, et c'est le hadith numéro dans Sahih al-Jami' c'est 1028 et 1082 et 1083, je m'excuse. Donc, comme je disais, il y a cette tendance-là chez les groupes d'égarement, ils prétendent tous être sur la vérité. Vous voyez par exemple les Rafida, ils prétendent que ce sont eux qui sont les vrais musulmans et que tous les autres sont égarés. Les soufis, la même chose. Et chacune de ces turqs soufis, elle prétend que c'est elle qui est la vérité. Et que les autres turqs et que les autres musulmans sont dans l'égarement. Et par la suite, vous avez également des groupes d'égarement aussi, d'autres sectes qui prétendent aussi avoir la vérité, comme les Ahbash et les Ikhwan et d'autres. Chacun de ces groupes-là prétend être sur la vérité et être celui qui suit le vrai islam. D'accord ? Le problème c'est que comme on a dit tout à l'heure, c'est pas suffisant juste de prétendre et de dire ça y est, nous on est ce groupe là. Il faut ramener les preuves comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit et comme on va le lire, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Amenez vos preuves si vous êtes véridiques. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, Il a dit, le groupe qui sera sauvé, c'est celui qui suit ce que je suis moi-même et, mon, et mes sahaba, hein, et mes compagnons. Donc, pour être sauvé, il faut être sur ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et pour ça, pour savoir si on est en train de le suivre, et si on est en train de suivre ses compagnons, eh bien, il faut avoir du ilm. Il faut avoir la connaissance de qu'est-ce que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait et qu'est-ce que ses compagnons suivaient. Hein? Donc ça, c'est très important. À notre époque, il y a une autre attitude qui s'est développée maintenant chez les gens de l'égarement. C'est l'attitude de dire « tout le monde est correct, tout le monde est bon, toutes les sectes sont bonnes, et il n'y en a pas une qui est vraie, et il n'y en a pas une qui est sur la vérité. On est tous sur la vérité, même si on est contradictoire, même si on est en contradiction entre nous, même si on est en contradiction avec le Coran et avec la Sunna, c'est pas grave. On est tous sur la vérité, on est tous corrects. » Et ça, c'est de l'égarement encore plus grave. Hein? Et ça, on retrouve cette attitude-là chez les Hizbiyyins, et chez il y a des gens de toutes sortes de tendances qui veulent réunir les gens malgré leurs divisions et malgré leurs contradictions dans leur aqidah et dans leur manhaj. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement total. Hein? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que la Ummah va être divisée et qu'il y en a un seul groupe qui va être sauvé. Donc, eux, ils rejettent ce hadith-là. Ils rejettent souvent ce hadith-là, ils refusent de l'accepter. Certains essayent même de le déclarer daïf, hein, alors que c'est un hadith sahih. Hein. Bon, il y a des versions du hadith qui sont faibles, mais il y a d'autres versions du hadith qui sont authentiques, et il y en a qui se supportent les unes les autres et qui atteignent le degré d'authenticité par la suite à cause de ça. Donc, étant donné que ces gens-là ne connaissent rien dans la science du hadith, ils vont déclarer un hadith daïf juste parce qu'il n'est pas en accord avec leur passion. Et c'est souvent le cas. Donc le Cheikh dit « وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ » قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ يعني هَاتُوا دَلِيلَكُمْ عَلَى مَا تَقُولُونَ أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى لأن هذه دعوة والدعوة لا تقبل إلا بدليل ولهذا قال بعدها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وأسلم وجهه لله يعني أخلص دينه لله وسلم من الشرك وسلم من الشرك وهو مسلم وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فمن توفر فيه هذان الشرطان فإنه من أهل الجنة ومن اختل فيه هذان الشرطان أو أحدهما فهو من أهل النار وإن ادعى أنه من أهل الجنة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il répond à ces gens-là, aux Juifs et aux chrétiens, disant, amenez vos preuves, amenez vos preuves, c'est-à-dire amenez vos preuves sur, à propos de ce que vous dites, que personne ne va rentrer au paradis excepté les Juifs et les chrétiens. Ça c'est une prétention, et les prétentions qu'on fait, elles ne seront pas acceptées, acceptées avec une preuve. Et c'est pour ça que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin » C'est-à-dire, certes, celui qui a soumis son visage à Allah, le Cheikh il dit que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a purifié sa religion pour Allah seul. Il a rendu son adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa salima min ash-shirk » C'est-à-dire, il a été exempt de toute forme de shirk. Il s'est éloigné de toute forme de shirk. Wa huwa muhsin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bienfaisant. C'est-à-dire, il suit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne suit pas l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas être muhsin. Ok? Il ne peut pas faire le bien si il ne le fait pas selon l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui a respecté ces deux conditions-là, il a fait son action sans forme de shirk dedans, sans aucune forme de shirk dedans, et il a fait son action selon l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il a respecté ces deux conditions-là, et donc il sera parmi les gens du paradis. Et celui qui a eu un manque à propos de ces deux conditions-là, ou à propos d'une de ces deux, conditions, alors dans ce cas-là, il sera parmi les gens de l'enfer, même s'il prétend faire partie des gens du paradis. Donc c'est pas suffisant juste d'avoir une de ces deux conditions-là. Si quelqu'un les a pas toutes les deux, ça y est, c'est fini pour lui. parce qu'il n'a pas de, il n'a pas de tawhid et il n'a pas d'ittiba, je ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de sunna, donc il est égaré. Et s'il a juste une des deux, c'est la même chose aussi. S'il a le tawhid mais il n'a pas la sunna, ses actions ne sont pas acceptées. Et s'il a la sunna mais il n'a pas le tawhid, ses actions ne sont pas acceptées. Donc il faut qu'il ait les deux ensemble. فقوله بلى من أسلم إلى آخر هذا المنهج السليم إلى بلى من أسلم إلى آخره هذا المنهج السليم الذي من كان عليه صار من الفرقة الناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذا ضابط من السنة هذا ضابط من السنة والآية ضابط من القرآن فمن كان يريد الجنة فليسلم وجهه إلى الله ويحسن عمله على السنة ويتجنب البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. Donc le cheikh explique, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est à celui qui a soumis son visage, c'est-à-dire ça c'est le manhaj qui est propre, qui est correct, qu'il faut suivre. Hein? Celui qui est sur ce manhaj, ça veut dire il est sur le, il va être dans le groupe qui est sauvé de l'enfer. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est sur ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons, c'est lui qui sera dans le groupe sauvé. Donc ça c'est le principe ou la règle à suivre à propos parmi les preuves de la sunna. Donc ça c'est la règle qui clarifie qui est le groupe sauvé dans la sunna. Et le verset qu'on a mentionné, بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ, ça c'est la règle qui est dans le Coran qui explique ou qui nous fait connaître qui est le groupe sauvé. Donc celui qui veut être au paradis, qui veut le paradis, alors qu'il se soumette et qu'il soumette son visage à Allah subhanahu wa ta'ala en s'écartant du shirk et qu'il rende ses actions bonnes en les faisant selon la sunna et en s'écartant des innovations et des fabrications dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet desquelles Allah n'a pas révélé aucun support, aucune autorité. Donc toutes les innovations, il faut s'en écarter. Après, le cheikh il mentionne comme point numéro 35 المسألة الخامسة والثلاثون تقربهم إلى الله بفعل المحرم. C'est-à-dire les gens de la jahiliya ils cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des choses haram. Et il donne l'exemple, cheikh. التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Donc le cheikh il mentionne le fait de faire des adorations dans le but soi-disant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en faisant des choses qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'adorer Allah, le fait de se dénuder, de montrer notre nudité dans l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se mettre nu pour se rapprocher d'Allah et pour adorer Allah. Et donc il mentionne le verset 28 dans surat al-Araf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils font un grave péché laid, un péché très laid, une fahisha, ils disent, nous avons trouvé nos parents ou nos ancêtres qui le faisaient et Allah nous a ordonné de le faire. Donc le cheikh Al-Fawzan va commenter sur ce sujet-là. Il dit, يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم وجاء من الآفاق فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها لأنه عصى الله فيها فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبا ليلبسه ويطوف به وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم ويدخل عريانا كذا زين لهم الشيطان وحينما فعلوا هذه الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فانظر كيف سمى كشف العورة فاحشة وهي ما تناهى قبحه وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيا وتحضرا. Donc le cheikh il dit que les gens de la jahiliya, ils essaient d'adorer Allah, de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en se dénudant et en montrant leur nudité lorsqu'ils faisaient le tawaf, c'est-à-dire lorsqu'ils tournaient autour de la Kaaba. Et ça, c'est le shaitan qui leur a embelli de faire ce genre d'action-là. Hein? Parce que ils s'imaginaient que si quelqu'un ne fait pas partie des habitants du haram, il n'habite pas à Mecca, et qu'il vient de très loin, il ne peut pas rentrer au haram avec ses vêtements avec lesquels il est venu, parce qu'il a fait des péchés dans ces vêtements-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient ces gens-là? Ils disaient que s'ils rencontrent des gens du haram, des gens de la Mecque, qui lui donnent des vêtements, il enlève ses vêtements et il met les vêtements qu'on lui donne. Et il fait le tawaf avec. Mais sinon, s'il trouve aucun vêtement, il enlève ses vêtements qu'il avait avec lui et il fait son tawaf nu. Hein? Il enlève, lorsqu'il arrive à la limite du haram, les limites de la Mecque, il enlève ses vêtements, il fait son tawaf et il entre nu. Et ça, c'est le diable qui leur a embelli de faire des choses pareilles. Hein? Et lorsqu'ils ont fait cette fahisha, ce péché laid, hein, de se mettre nu comme ça, ils ont dit, nous avons trouvé nos ancêtres qui faisaient ça. Et ensuite ils ont dit, Wallahu amarana biha, comme Allah il mentionne dans le verset 28, dans Surat al-A'raf, il dit, Allah nous a ordonné de faire ça. Donc le cheikh il dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le fait de découvrir cette nudité, de découvrir sa nudité, il a nommé ça une fahisha. Et al-fahisha c'est quoi? C'est qu'est-ce qui arrive à l'extrême de la laideur, qu'est-ce qui est très très laid et très, il y en a qui est très grave comme péché. Donc, il y a beaucoup de gens, hein, il y a plein de gens à notre époque qui considèrent que de montrer la nudité c'est quelque chose qui est une chose de la civilisation, hein, ou bien quelque chose qui a rapport avec l'évolution, ils disent. Mais ça, c'est les vêtements qui sont à la mode, les vêtements qui sont civilisés. Hein, ils montrent une partie de leur corps ou bien toute leur nudité au complet. Et il y en a parmi les koufars, en particulier maintenant, étant donné qu'il y a la fitna avec la burqa ou bien le hijab en ce moment, le niqab, le sitar comme ils l'appellent, vous comparez la liberté d'être nu avec la liberté de porter le burqa ou le niqab ou des choses de ce genre, j'ai dit jamais, quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, le fait d'être nu a été considéré comme un élément de civilisation? Jamais. Hein? Au contraire, si on regarde sur la terre les peuples qui vivent le plus dans les situations ou dans des états de primitives, hein, qui sont pas du tout évolués et qui sont très loin de la civilisation, qui ont souvent des religions de shirk, hein, et toutes sortes de superstitions et de fausses croyances, on remarque que ces peuples-là sont des peuples, hein, qui vivent nus, hein, comme en Amazon ou bien dans les îles des Pacifiques, ou bien dans des grottes dans certains pays où les gens vivent encore comme ils appellent à l'âge de pierre. Encore aujourd'hui, et ils croient en toutes sortes de religions, de shirk. Et ces gens-là vivent nus, ils n'ont pas de pudeur, pas de gêne, hein, parce qu'ils n'ont pas reçu le message des messagers, ils n'ont pas été non plus informés ou enseignés ou éduqués sur ces choses-là, donc ils vivent nus, ils n'ont pas de honte. Et il y a des gens parmi les gens qui vivent dans les pays occidentaux aujourd'hui qui ont connu le message des messagers, la religion des prophètes, même si c'était un message falsifié dans certaines choses, mais quand même, ils ont appris la religion le message de Isa, le message de Moussa et des autres messagers, que les femmes, elles se couvrent. Et même quand on regarde les images et les statues des juifs et des chrétiens, quand ils font en particulier les chrétiens, quand ils font des statues de Marie, ils la mettent toujours avec le voile, parce qu'ils savent que ça c'est la tenue qui est une tenue de pudeur et de timidité et de respect. Donc, tout ça pour montrer que la question de comparer le fait de se voiler avec la nudité, c'est des comparaisons absurdes. C'est comme il y en a un aujourd'hui qui disait vous dans votre pays, vous ne nous laissez pas boire de l'alcool, donc nous, on ne veut pas vous laisser porter, par exemple, le niqab ou des choses comme ça. Et Annie, déjà l'alcool c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour toi, ça détruit ta raison, ton cerveau, ça te fait faire les bassesses, les pires bassesses que quelqu'un peut imaginer. Et tu veux comparer ça avec quelque chose de bien, c'est-à-dire le fait d'être pudique et de cacher sa nudité, de ne pas montrer son corps excepté pour son mari, hein, et des choses de ce genre. Donc comment ces gens-là, ils ont comparé le bien avec le mal pour les mettre à égalité et pour dire si vous ne laissez pas faire le mal, nous on ne va pas vous laisser faire le bien. Hein. C'est complètement ridicule. Donc le cheikh il dit ensuite, « ثم رد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. » Donc ces gens-là, subhanallah, ils doivent être éduqués, ces kuffars, soit des kuffars de l'Occident ou ailleurs, il faut qu'ils soient éduqués par l'islam, il faut qu'ils comprennent que la morale islamique, c'est la plus haute morale et le plus haut niveau de civilisation qui a été atteint par l'humanité, et qu'ils ne pourront jamais dépasser ce niveau-là, et qu'il n'y a pas de solution pour eux que accepter que l'islam. Donc le cheikh il dit ensuite, « ثم رد الله عليهم بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يشرع لعباده كشف العورات وإنما شرع لهم سترها لما في ذلك من البعد عن الفتنة وعدم الوقوع في الجرائم الخلقية وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علم فاحتجوا بحجتين باطلتين إحداهما أبطل من الأخرى الأولى وجدنا عليها أبانا والثانية أعظم وأخطر والله أمرنا بها كذبوا على الله سبحانه وتعالى فرد عليهم سبحانه بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون والقول على الله بلا علم جريمة خطيرة جدا. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés, ces mouchriquins, par la suite. Il a dit au Muhammad, à ces mouchriquins, Allah n'ordonne pas ou ne commande pas de faire des turpitudes et des péchés laids comme vous faites. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais légiféré pour ses serviteurs de rester nus et de montrer leur nudité. Il a uniquement, au contraire, légiféré de couvrir la nudité, de couvrir notre corps. Hein? Pourquoi? Parce que ça nous éloigne de la fitna et ça nous protège de tomber dans les crimes, des crimes de comportement et de morale, hein? Comme le zina, l'homosexualité et d'autres perversités comme ça. Mais eux, ils ont menti à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont parlé à propos d'Allah sans connaissance. Ils se sont basés sur deux preuves ou deux shubha, il y a les deux choses fausses. La première qu'ils ont mentionnée, elle est plus faible encore. La première, c'est qu'ils ont dit, on a trouvé nos ancêtres qui faisaient ça. On a trouvé nos ancêtres qui restaient nus et qui faisaient le tawaf nus autour de la Kaaba. Donc on les a suivis là-dedans. Et la deuxième argument qu'ils ont ramené, c'est quoi? C'est de dire, Allah nous a ordonné de faire ça. Et le cheikh, il dit, ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite dans surat al-Araf le verset 28 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. Dit Allah subhanahu wa ta'ala il n'ordonne pas de faire ces péchés laids et cette turpitude. Est-ce que vous dites à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science? Donc de dire quelque chose à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, c'est un crime très dangereux. Hein, c'est un crime très dangereux. Puis on voit dans le verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il a uniquement réfuté la deuxième partie. La première partie, quand ils ont dit, wajadna alayha aba'ana, il ne les a pas réfutés là-dedans, parce que c'est vrai. Ils ont trouvé leurs ancêtres en train de faire ça. Mais est-ce que c'est un argument? Est-ce que c'est une preuve? Que c'est bien? Non. Mais la deuxième partie, il les a réfutés. Il a dit, wallahu amrana biha, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ça. Il a dit, hein, قل إن الله لا يأمر بالفحشاء عليكم السلام ورحمة الله الله سبحانه وتعالى إنه ضن طاد فعل شوز حرام لتبتد ثم بين سبحانه ما نهى عنه فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش جمع فاحشة وهي المعصية المتناهية في القبح ومنها كشف العورة وما ظهر منها ما ظهر منها علانية أمام الناس وما بطن ما فعله الإنسان خفية بينه وبين الله في أنسويت الله سبحانه وتعالى a mentionné ce qu'il a interdit. Il a commencé à énumérer des choses qu'il a interdites. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ » dit au Muhammad à ses mouchriquins, il dit aux gens en général aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, il a uniquement interdit « الفواحش ». الفواحش, le cheikh il dit que c'est le pluriel de « الفاحشة ». Et « فاحشة » ça veut dire un péché qui est à l'extrême de la laideur. Il n'y a pas quelque chose de plus laid que ça, c'est parmi les péchés qui sont laids, et quand tu vois que c'est laid. Hein? Donc c'est ça les fawahish. Et parmi les fawahish, il a interdit celles qui sont cachées et celles qui sont apparentes. Donc il a dit, ma zahara minha wa ma batan. C'est-à-dire, ma zahara minha, c'est-à-dire celles qui sont apparentes devant les gens, wa ma batan, c'est celles qui sont cachées, tu fais juste entre toi et Allah. Allah les a interdites, toutes les deux. Ensuite il dit وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا يعني حجة فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبدا وإنما أنزل الحجة على التوحيد أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى il dit ensuite وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا et ensuite il mentionne parmi les choses interdites de faire du shirk avec Allah سبحانه وتعالى et d'associer avec lui dans l'adoration. Donc, il dit d'associer avec Allah ce au sujet de quoi il n'a fait descendre aucune autorité, aucune preuve. Ok? Et le cheikh il dit Allah n'a jamais fait descendre pour les gens du shirk une preuve. Il a uniquement fait descendre la preuve pour le tawhid et pour défendre l'unicité d'Allah et le tawhid. En ce qui concerne le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ القول على الله بلا علم أعظم من الشرك ومن ذلك قولهم الله أمرنا بكشف العورات فليحذر الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم et de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc après avoir mentionné le fawahish, qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui est caché, et d'avoir mentionné le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne de dire des choses à propos d'Allah qu'on ne connaît pas, des choses dont on n'a aucune connaissance. Le cheikh, il dit que de parler à propos d'Allah sans science, c'est plus grave que le shirk. Il dit, et c'est comme l'exemple lorsqu'ils ont dit, les mushrikounes, ils ont dit, Allah nous a ordonné de rester nus et de montrer notre nudité. Donc, le cheikh, il dit que ceux qui disent des mensonges à propos d'Allah prennent garde, ceux qui disent, ceci est halal, ceci est haram, sans aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna. إلى أن قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم يعني استروا عوراتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة منها الطواف بالبيت. Donc ensuite Allah سبحانه وتعالى il dit oh fils d'Adam, prenez vos parures, c'est-à-dire cachez-vous votre nudité, cachez ce qui est obligatoire pour vous de couvrir lorsque vous allez à la mosquée, c'est-à-dire lorsque vous allez faire la salat ou lorsque vous allez faire le tawaf, faire le tawaf autour de la Kaaba, puisque ça aussi c'est une salat. Et le cheikh dit al-shahid, an ahl al-jahiliya yataqarrabuna ila Allah bi kashf al-awrat wa ya'uddunahu ibadatan lillah. فهذا من أفشح الكذب والزور والعياذ بالله ومنه نأخذ تحريم كشف العورات مطلقا إلا لضرورة كالعلاج الضروري أو ما بين الزوجين بعد بعضهما مع بعض وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد التحريم لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط فلذلك رغب الناس في كشف العورات وسمى هذا تقدما وحضارة ورقيا ونفر من الستر واللباس المحتشم وعليكم السلام ورحمة الله وقال هذا تأخر ورجعية وتقاليد بالية Donc le cheikh explique, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? C'est que les gens de la jahiliya, ils cherchaient de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en montrant leur nudité. Et ils considéraient que c'était une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un des pires mensonges et inventions contre Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous, yani, il dit wal'iyadu billah, qu'on cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, on peut prendre de ça, de cette explication-là en général, que c'est interdit de montrer notre nudité de façon absolue, de façon générale, hein, excepté pour une nécessité. Et parmi les exemples, c'est comme quand quelqu'un doit se faire soigner chez un médecin et que c'est nécessaire de montrer certaines parties de ta nudité. Dans ce cas-là, c'est permis pour ce cas-là. Ou bien lorsque un homme est avec sa femme et qu'il voit certaines parties de la nudité de l'autre. Dans des cas comme ça, ça c'est permis, parce que yani, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans ces cas-là. Mais en dehors de ces deux cas-là, de montrer la nudité, c'est quelque chose qui est sévèrement interdit, parce que ça ramène quelqu'un à tomber dans les graves péchés et de tomber dans le crime. Et le shaitan, il sait que de montrer la nudité, ça amène à la fornication, à l'adultère, et ça amène à l'homosexualité aussi. Donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit ça, et le shaitan, lui, il incite les gens à découvrir leur aura, leur nudité. Donc, comme on est en train d'expliquer, le shaykh, il explique que le shaitan, il sait que lorsque les gens montrent leur nudité, eh bien, ça les incite, ça les pousse vers le péché, vers le fawahish, comme le zina, comme le liwat, l'homosexualité et l'adultère, la fornication. Et donc, le shaitan, il fait tout son possible pour inciter les gens à se montrer leur corps, à montrer leur nudité. Okay? Et comme c'est l'habitude du shaitan, il veut toujours tromper les hommes. Et donc, au lieu d'appeler les choses par leur nom, il essaie de leur faire croire que le nudisme et le fait de se mettre nu et de montrer leur corps, ça c'est quelque chose de civilisé, c'est quelque chose de, yani, ça a rapport avec l'évolution, la civilisation, la modernité, hein. Et il essaie de faire fuir les gens de se couvrir, de se cacher, de porter des vêtements de chasteté. Il dit ça c'est retardé, ça c'est raj'iyya, ta'akhur. C'est ce qu'ils disent. Et surtout, actuellement, on en entend parler dans les médias, ils n'arrêtent pas, ils lâchent pas les musulmans avec ça. Hein? Comme si de se couvrir et de se cacher, c'était un blâme. Comme si c'était quelque chose de mauvais, de laid, de sale, de retardé, de long. Hein? Et de se montrer, d'être nu et tout ça, comme si c'était quelque chose de bien. Donc ça, c'est une fitna. Et le cheikh, il dit, وَمَا يُقَالُ الْآنَ وَمَا يُقَالُ عَنِ الْحِجَابِ الْآنَ وَالتَّذْهِيدُ فِيهِ والتمسخر من أهله شيء معروف في الصحف والمجلات والمجالس وغير ذلك ولكن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم le cheikh il dit qu'est-ce qu'il dit actuellement au sujet du hijab au sujet du qu'est-ce qu'ils appellent al-burqa ou bien à propos du sitar ou bien du niqab il y a différents noms pour ces choses-là donc tout ce qu'ils disent à ce sujet-là aujourd'hui d'essayer d'éloigner les gens de ce vêtement-là et de se moquer de ceux qui le portent, ça c'est quelque chose qui est connu dans les journaux, les magazines, hein, et les gens ils parlent de ça et ils se moquent des musulmanes, des femmes musulmanes qui portent ces vêtements-là. Donc le cheikh dit ça ne nuit pas aux croyants et aux gens qui s'accrochent fermement à leur religion. Et ça c'est très important, donc le musulman il doit rester ferme sur sa religion et s'accrocher à sa religion même si les gens commencent à se moquer ou à critiquer ou à parler. Et on voyait qu'avant, ils critiquaient les femmes qui portaient le hijab, hein, c'est-à-dire qui portaient juste, qui se couvraient les cheveux, qui portaient une robe longue ou ample. Et ils ont continué à frapper et à attaquer et à critiquer les femmes qui s'habillaient comme ça jusqu'à ce que les femmes commencent à céder, puis commencent à porter des hijabs de moins en moins voyants. Donc on a vu qu'ils ont commencé par la suite à mettre des petits pantalons, hein, une petite veste ou une tunique par-dessus, hein, et puis un petit foulard qui couvre les cheveux, mais léger, vraiment, hein, soft, ça passe partout, hein. Comme ça les koufars, ils vont pas être choqués quand ils vont voir ça. Et lorsqu'ils ont vu maintenant apparaître, hein, le sitar, le niqab et tout ça, là maintenant, ça les choque vraiment, parce qu'ils voient que c'est ça le but du hijab. Et il y a une tendance actuellement qui est apparue chez certaines musulmanes, c'est de dire il faut porter des voiles que les koufars vont aimer. Et quand ils vont voir ça, ils vont pas être choqués. C'est-à-dire des petits voiles colorés, agencés avec toutes les couleurs, le voile avec les chaussures, avec les pantalons qui vont ensemble, hein, toutes les couleurs matchent. Dans le but de faire montrer aux gens, soi-disant, que l'islam c'est une religion ouverte, une religion qui accepte, hein, de s'adapter, de s'intégrer, etc., etc. Walaykum salam wa rahmatullah. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? C'est que le but lui-même du hijab, il n'est pas respecté. Il est perdu. Et c'est quoi le but du hijab? C'est d'éliminer la fitna, d'éliminer la tentation qui existe entre l'homme et la femme, et les attirances qui peuvent être. Donc, quand la femme, maintenant, elle se voile pas correctement, et elle respecte pas les conditions du hijab quand elle s'habille, eh bien, ça n'amène pas le fruit qu'on attend, et les résultats sont pas ceux qu'on espère, malheureusement, et ça amène quand même la fitna, malgré que la femme, elle se couvre, mais elle se couvre pas correctement. Ensuite, le point numéro 36, al-mas'alatu al-sadisatu wa al-thalathun. تقربهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام. C'est-à-dire, ils essaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en interdisant ce qui est halal et en rendant halal ce qui est haram. Le cheikh, il dit, التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. Ici, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant par l'interdiction de ce qui est halal, ou bien comme par exemple lorsqu'ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le shirk. Les gens de la jahiliya, ça fait partie de leur religion. Ils rendent haram ce qui est halal et ils rendent halal le shirk. Donc il dit min masa'il al-ahl al-jahiliya ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bi tahrim ma awjaba Allah fa harramu ستر العورة في الطواف كما سبق من حال المشركين كما سبق من حال المشركين وكذلك اليهود والنصارى فالنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله مثل الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل والمشركون حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام منها البحيرة والسائبة والوصيلة وأنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماء ويحرمونها للأصنام وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الشيخ الزي parmi les exemples des gens qu'est-ce qu'ils pratiquaient dans la jahiliya, c'est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en interdisant ce que Allah a ordonné. Et donc, par exemple, on voit qu'ils ont interdit de se couvrir leur nudité lorsqu'ils faisaient le tawaf. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé chez les mouchriquines à l'époque, avant l'époque de l'islam, à l'époque des mouchriquines. Au début de l'islam, même les mouchrikouns, ils venaient faire le hajj et ils enlevaient leurs vêtements, ils faisaient le tawaf nu. Il dit de même que les juifs et les chrétiens, ils se sont interdits pour eux-mêmes les bonnes choses. Donc les juifs, ils se sont permis des choses qui étaient interdites, et des choses qui étaient halal, ils les ont interdites pour eux-mêmes. Et parmi les choses qu'ils ont rendues halal, qui sont haram, il y a l'exemple de riba, hein, les intérêts sur les prêts bancaires. Ils ont voulu rendre ça halal. Et également, yani, il y a aussi le fait qu'ils consument le bien des gens de manière illicite. Ils mangent le bien des gens de manière illicite. Là, c'est comme, il y a un frère qui m'expliquait, yani, la manière dont les juifs, lorsqu'ils vont dans les commerces ou les endroits pour faire en sorte que certains aliments soient cachers, hein, des fois même des bouteilles d'eau, yani, tu regardes sur la bouteille d'eau, tu vois, il y a le signe cachère dessus. Est-ce qu'on a besoin de mettre un signe sur une bouteille d'eau pour savoir qu'elle est halal ou non? Hein? L'eau, c'est halal déjà, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit spécifique pour que ça devienne halal. La même chose pour le poisson ou des choses comme ça, c'est des choses halal. Qu'est-ce qui a besoin d'être halal? C'est la viande, hein? On le sait. Vous savez, il faut l'égorger d'une manière spécifique et il faut qu'il soit égorgé par certains individus, soit un musulman, soit un juif ou un chrétien, comme c'est expliqué par les ulama dans les livres de fiqh. Mais pour eux, non, c'est pas suffisant. Il faut que le rabbin, il vienne, il fasse une certaine prière, et puis il reçoit de l'argent pour ça. Hein, il rentre, il fait sa prière, il sort, et puis il prend son argent. Donc il mange l'argent des gens de manière illicite, et à cause de ça, ils sont obligés d'augmenter le prix des aliments pour compenser la perte qu'ils ont eue du fait qu'ils ont marqué ce signe cachère sur les aliments, parce qu'ils peuvent pas, les compagnies peuvent pas mettre le signe cachère sur les aliments sans l'approbation du rabbin, et pour ça il faut payer le rabbin. Donc c'est un ce système qu'ils ont inventé pour faire de l'argent avec les gens. Donc, et le chef, il donne des exemples comme ça. Chez les chrétiens, il y a plein d'exemples aussi. Ils ont interdit la polygamie alors que c'est pas interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont interdit. Ils ont rendu licite l'idolâtrie, les statues, les croix, les images. Ils ont interdit à l'entraide de se marier. Ça, c'est des choses qui ont jamais été interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi, des choses de ce genre. Ils ont aboli la circoncision, alors que c'est quelque chose qui était ordonné à tous les messagers d'Allah, hein, en commençant par Ibrahim alayhi salam. Les chrétiens, ils font pas la circoncision, alors que ça fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc ça, c'est des exemples. Et parmi les choses que les mouchrikounes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient, c'est qu'ils interdisaient ou ils rendaient sacrés pour leurs idoles certains animaux qu'ils possédaient. Et ils leur donnaient des noms spécifiques, comme al-bahira, ou bien al-sa'ida, ou al-wasila. C'est-à-dire, c'est certains animaux que lorsque ils enfantaient un certain nombre de femelles, de mâles, etc. Donc ils disaient, ah bon, celle-là maintenant, on peut plus la monter sur son dos, et elle est maintenant réservée à notre idole, hein, etc. Donc ils rendaient ces animaux-là uniquement pour leurs idoles par la suite, et ils les interdisaient. Donc ça fait partie d'interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit d'interdire ce qu'il a permis. Il dit par exemple dans Surat Al-Ma'ida, le verset 87, « Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses que Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Allah n'aime pas ceux qui transgressent, il n'aime pas les transgresseurs. » Il dit ensuite « فالمؤمن لا يتشدد في تحريم ما أحل الله ولا يتساهل ويستبيح المحرمات بل يكون معتدلا فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله وإذا اعتبر ذلك من التعبد وإذا اعتبر ذلك من التعبد مثل ما عليه النصارى في الرهبانية أو عليه المشركون في الطواف بالبيت فهذا تعبد بما لم يشرعه الله وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله بمعصيته وشرع دين لم يأذن به. الشيخ il dit ensuite que le croyant il doit pas être exagéré dans la religion au point où il rend haram ce qui est halal, ou au point où il est tellement laxiste qu'il rend halal des choses haram. Et ça, on a les deux extrêmes parfois parmi les musulmans. On a des musulmans qui sont parfois tellement durs dans la religion, des choses halal, ils veulent les interdire. Et ça, c'est pas correct. Hein? Ça, c'est dépasser, c'est transgresser la limite d'Allah. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils veulent tellement être laxistes, tellement laisser faire tout le monde, que des choses haram, ils veulent les rendre halal et laisser les gens les faire. Ça, c'est pas correct. Donc, il faut être équilibré. Il faut être juste. Donc, le cheikh, il dit donc, d'interdire le halal et de rendre halal le haram, ça, ça fait partie de la religion de la jahiliya. Et il n'est permis à, il n'est pas permis, hein, il est permis à personne, pas permis à quiconque, de rendre halal ou de rendre haram quelque chose, excepté s'il a une preuve du Coran ou de la Sunna. Hein. Et s'il considère que la chose en question fait partie de l'adoration, comme ce que font les chrétiens, par exemple, dans leur monastère, lorsque, par exemple, ils disent, nous, on s'enferme dans des endroits pour adorer, pour prier, pour jeûner, pour faire du rappel et des choses de ce genre, eh bien, ils ont fait de ça une adoration. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais ordonné aux hommes de faire des choses pareilles. Il n'a jamais permis ça non plus. Ou à des femmes de se dire, par exemple, religieuses et de s'enfermer dans des monastères pour adorer Dieu seulement. Elles ne se marient pas, elles n'ont pas d'enfants, elles ne font pas de famille. Elles font juste rester à l'intérieur de ces monastères-là pour, soi-disant, prier, jeûner et lire les livres de religion et des choses de ce genre. Tout ça, c'est de l'extrémisme et c'est de l'exagération dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais ordonné ça. Et les conséquences de ce qu'on voit maintenant en Occident, du fait qu'ils ont rejeté la religion entièrement, vient du fait justement qu'il y a eu ces gens-là qui ont exagéré dans la religion, et à cause de ces exagérations-là, ça a amené un autre extrême, c'est-à-dire le rejet total de la foi et de la religion par la suite. Déjà qu'à la base, on sait que leur religion, elle est falsifiée, elle n'est pas complète ni correcte, puisqu'elle a été changée, et en particulier après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est une condition pour eux, lorsqu'ils entendent parler de l'islam, qu'ils doivent l'accepter, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yasma'u bi min hadihi l'umma yahoudiyun wala nasrani, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashab al-nar. » Il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, puis qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera des gens de l'enfer. Excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Ça, c'est un hadith sahih, rapporté dans Sahih Muslim. Hein? Donc, c'est un hadith sahih, et donc ça veut dire que ces gens, ils n'ont plus d'excuses, une fois qu'ils ont entendu parler de l'islam, de dire non, je reste chrétien. Hein? Et ça, ça réfute ceux qui prétendent qu'un juif et un chrétien peut rester dans sa religion et il est quand même sur le droit chemin. Ça, c'est faux. Hein? Ensuite, il dit également ce que faisaient les mouchrikoun lorsqu'ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba. Ils étaient nus, ils enlevaient leurs vêtements, puis ils tournaient autour de la Kaaba, ils disaient ça pour se rapprocher d'Allah. Et ils disaient que Allah leur a ordonné de faire ça. Ça, c'est d'adorer Allah parce qu'il n'a pas légiféré. Et donc, c'est une bid'ah. C'est ce qu'on appelle en arabe bid'ah, c'est une innovation. Tu veux te rapprocher à Allah en faisant ce que Allah n'a pas légiféré, n'a pas révélé. C'est une bid'ah. Ou bien tu veux te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il t'a interdit de faire. Ça, c'est encore pire. Hein, comme ceux qui veulent faire une adoration, c'est-à-dire en faisant de la musique. Hein, ils font de la musique et de la danse dans leur lieu de culte ou dans leur mosquée ou dans leur endroit où ils se réunissent, et puis ils pensent que ça les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, yani, toute autre adoration que tu fais, mais qui n'a pas été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie. C'est ce qu'on appelle en islam une innovation, une bid'a, et c'est rejeté. Et on l'a expliqué tout à l'heure, une adoration, elle ne sera pas acceptée, sauf si elle est faite avec deux conditions, et qu'elle respecte ces deux conditions-là. Peu importe qu'est-ce que tu veux faire dans l'islam, activité, programme, projet, n'importe quelle action que tu veux faire qui est reliée à l'islam, tu dois ramener ces deux conditions-là. Première condition, que ton action soit faite avec sincérité pour Allah seul. si elle n'est pas faite pour Allah seul, cette action-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a du riya dedans, hein, comme on dit, il y a une ostentation, tu veux montrer, ou bien s'il y a du shirk, tu fais cet acte d'adoration-là, mais tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala, ton action ne sera pas valable. Et ensuite, elle doit être en accord avec l'exemple de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. S'il n'y a pas de référence avec ça, dans la sunna, qu'est-ce que tu veux faire pour te rapprocher d'Allah, ce ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu le fais jour et nuit, hein, même si tu le fais, tu te fatigues à le faire jour et nuit, ça ne sera pas accepté. فَالْمَسْأَلَةُ خَطِيرَةٌ جِدًّا كَمَا تَعَبَّدَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ بِالشِّرْكِ وَهَذَا أَعْظَمُ وهو موجود قديما وحديثا فالذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينظرون لها ويقولون هذا تقرب إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا عند المشركين الأولين وعند المشركين المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام يقولون هذا تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين فهم شفعاؤنا ويقربوننا إلى الله زلفى. Donc le cheikh explique que ça c'est quelque chose de très grave et de très dangereux. Et c'est le fait, par exemple, qu'est-ce qui est pire encore, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme le faisaient les gens de la Jahiliya en faisant du shirk. T'adores, tu veux te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des actes d'idolâtrie et de shirk. Et tu penses que ça te rapproche d'Allah. Ça c'est quelque chose qui existait dans le passé et ça existe encore aujourd'hui. On le retrouve même dans certains pays musulmans où des gens, au nom de l'islam, au nom de la religion de l'islam et du fait qu'ils prétendent que de faire des tours autour des tombeaux et de sacrifier des animaux, de les égorger pour les saints ou pour les morts qui sont enterrés dans ces tombeaux-là, parce que c'était des hommes pieux quand ils vivaient, ils font des sacrifices pour ces tombes-là. Également, ils font des vœux pour elles, pour ces tombes. Et ils disent que nous, on fait ça pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils disent, ces hommes pieux-là, eux sont rapprochés d'Allah, ils étaient pieux, ils étaient des bons hommes, et Allah va accepter leur demande si on fait des actes d'adoration pour se rapprocher de ces tombes et de ces hommes saints, eh bien, eux vont intercéder pour nous par la suite. Ils vont adresser pour nous des prières à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est exactement les mêmes excuses et les mêmes prétextes que les premiers mushrikines des peuples précédents, même avant l'islam, et l'exemple aussi des mushrikines qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendaient que les idoles qu'ils prenaient en dehors d'Allah, c'était uniquement pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disaient, ce sont nos intercesseurs, ce sont nos intermédiaires, c'est pas eux qu'on adore, c'est pas elles, c'est pas ce ne sont pas ces idoles-là qu'on adore, hein, ce sont seulement des intermédiaires. On passe par elles pour aller à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés là-dedans. Il leur a dit non, vous n'avez pas besoin de passer par quoi que ce soit pour venir à moi. Si vous voulez m'adorer, adorez-moi directement. Hein. C'est une voie directe. On n'a pas besoin de passer par une créature, par un djinn ou par un prophète. Ou par un ange, ou par une tombe, ou par un arbre, ou par le soleil, ou par la lune, ou par n'importe quelle autre des choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est rejeté, tout ça c'est faux. Hein? Donc alhamdulillah. Et le cheikh il dit donc que les excuses qu'il ramenait les mushrikoun avant, c'est les mêmes excuses qui sont ramenées par ceux aujourd'hui qui se disent musulmans dans les pays musulmans et qui pratiquent ces actes de shirk. Hein, quand ils adorent les tombes. Et ils disent que ça, c'est pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire des hommes pieux. Hein, ils disent que ce sont nos intercesseurs et nos intermédiaires et ils nous approchent plus d'Allah. Tout ça, c'est du shirk. Et tout ça, c'est contraire au fondement de l'islam. Et tout ça, ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya. Mais ça ne fait pas partie de la religion du tawhid, qui est la religion des messagers, la religion des prophètes. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein, et on continuera donc l'explication de ces différents points dans le cours prochain, inshallah, samedi, après l'Asr, après Salat al-Asr. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Et maintenant, le frère Mohamed, Inch'Allah, il va commencer son cours.